Un jour t'es venu, comme d'habitude. T'avais trouvé la chose voulue, tu en avais la certitude. T'as pleuré devant moi, comme un con. Et j'ai compris cette fois, que ton compte était bon. J'ai promis de pas te pousser, quand tu serais sur la falaise. Et si jamais je te vois tomber, moi je sens que je vais faire un malaise. Tu rattraperas pas tes erreurs, mais elles te pousseront à bout. Mais moi, je suis sûr que c'est pas ton heure. Mon vieux, il faut tenir le coup, tenir le coup. Tenir le coup. Cette histoire, un beau jour t'es réapparu. Tu m'as dit que t'as broyé du noir, et moi comme d'habitude je t'ai cru. Tu puais l'alcool, et je t'ai tout de suite imaginé. Quand t'étais devant moi comme un môme, à quatre pattes en train de pleurer. J'y toucherai plus, tu m'avais dit. Et moi j'ai cru à ton histoire, et toi t'as retrouvé ton whisky. Celui qui te faisait broyer du noir, broyer du noir, broyer du noir. C'est fini, je m'en vais. J'en peux plus de tes conneries. T'as trouvé ce que tu cherchais, et tu te retrouves tout seul au lit. Tu pourrais peut-être me supplier, ça pourrait même être un plaisir. 30 ans de ma vie à te le crier, et plus je le crie et plus c'est pire. Je lirai peut-être dans le journal, à la rubrique des faits divers, un homme retrouvé sur le trottoir, et dans la main son dernier verre, son dernier verre, oh, son dernier.